Chapitre 4. Le jour des noces. Les gens d'Aulnay furent surpris de ne plus voir la sombre figure de Ralph parmi les faucheurs dans les prairies de Carleon. Mais le jeune homme dit à ses connaissances qu'on lui avait conseillé d'acheter une petite ferme dans le comté de Buckingham et qu'il en avait confié le soin à son intendant. Ralph avait été un contremaître dur et brutal, et il ne fut regretté de personne, si ce n'est par son maître, qui recevait presque toutes les semaines une lettre écrite en caractères mal tracés et grossiers portant le timbre d'un village du comté de Buckingham. Toutes les semaines aussi, Dudley allait à cheval jusqu'à Aulnay pour porter un bon à la poste, payable à Ralph, et ceux qui épiaient les mouvements du jeune homme commencèrent à dire que sa nouvelle ferme lui coûtait plus d'argent qu'elle ne lui en rapporterait. Mais avant la moisson, le bruit courut qu'il allait épouser une jeune fille ayant de la fortune, ou du moins ce qu'on appelait de la fortune à Aulnay. Jenny possédait 3 000 livres sterling. Elle serait majeure en septembre et, d'après les habitants, elle était fiancée à Dudley. Était-elle sa fiancée? Non. Elle lui permettait de la suivre partout comme un bon gros chien fidèle suit son maître bien-aimé. Elle consentait à accepter un compromis tacite. Elle ne repoussait jamais ses silencieuses prévenances, ne se retirait jamais de sa société malgré la fréquence de ses visites au presbytère. « Je ne puis m'en défendre, » dit-elle un jour à Agnès. « Il est dans le salon en ce moment, je le sais, quoique je ne l'ai vu ni entendu entrer, et il faut que j'aille le retrouver, bien que je ne le désire point. Que dois-je faire, Agnès ?»« Venez avec moi à Scarborough. Vous savez que je pars demain, et que je ne reviendrai pas ici avant 2 ou 3 mois. Choisissez, Jenny, si vous voulez venir avec moi ou rester ici avec papa pour devenir la femme de cet homme. Agnès, j'irai avec vous. » Les deux jeunes filles se mirent immédiatement à faire leur mal et prirent toutes leurs mesures pour partir le lendemain matin par le train express pour Scarborough. Mais ce soir-là, assis dans l'ombre de la croisée ronde du salon du presbytère, Dudley fit promettre à Jenny qu'elle serait sa femme le jour même où elle serait majeure. Après son départ, Agnès la trouva pleurant nerveusement, la tête sur l'appui de la croisée ouverte et des fleurs de clématite se mêlant à sa brillante chevelure. « Jenny, qu'avez-vous ? » « Il faut que je reste ici, Agnès. Je ne puis partir avec vous demain. Vous êtes votre propre maîtresse, Jenny. Que le ciel vous vienne en aide, si vous oubliez ce que je vous ai dit. » Les sanglots de Jenny furent sa seule réponse à cette prédiction. Avant que le premier épi de blé doré fût tombé sous la faucille, M. Marlowe avait béni l'union de Dudley et de Jenny dans l'église d'Aulnay. Le jour de ses noces fut le jour de sa majorité, ainsi qu'elle l'avait promis à son prétendant. Tous les préparatifs se firent en secret, et après le désir de Dudley, on n'avait point envoyé d'invitation à Agnès. C'était une de ces magnifiques et brûlantes journées d'été que l'on voit souvent au commencement de l'automne. Les bêtes paresseuses dormaient dans les prairies basses, et l'étroite rivière suivait son cours paisible sous le brouillard doré d'une brûlante après-midi. Les champs de blé étaient éclatants de bandes de pourpre et d'écarlate, et l'épi jaune bougeait à peine sur sa tige dans l'air calme. La mariée était ravissante avec sa simple robe de mousseline et de dentelle flottant autour d'elle avec toutes les boucles de sa chevelure d'or voltigeant au soleil. « Un beau couple !» disaient les paysans groupés autour du porche de l'église. Chacun paraissait joyeux. Le marié lui-même avait quitté sa silencieuse réserve, tandis qu'un éclair d'orgueil et de triomphe brillait dans ses sombres yeux bleus. Un seul événement sinistre vint jeter un nuage sur la fin de la cérémonie. Au moment où Dudley quitta l'hôtel pour conduire sa jeune épouse dans la sacristie, il se trouva juste en face d'une éclatante tablette de marbre blanc, tablette si nouvellement placée le long du mur que le mortier était encore humide et que les outils de l'ouvrier étaient épars çà et là dans la salle au-dessous. À la mémoire de Martin Carleon, mort le 24 septembre 1849, âgé de 23 ans. Ce monument est élevé par son frère affectionné et inconsolable, Dudley Carleon. Le marbrier du village, homme négligent et paresseux, avait eu ordre de placer cette tablette il y avait plus d'un an et n'avait terminé son ouvrage que la nuit dernière. Lorsque la noce fut de retour au presbytère, les invités trouvèrent une voiture arrêtée devant la porte. « Agnès serait-elle de retour ?» dit M. Marlowe. Si le visage de Dudley eût pu devenir plus pâle que lorsqu'il avait aperçu la tablette de marbre à l'église, il le serait devenu à cet instant précis. « Jenny !» dit-il, saisissant la petite main gantée qui s'appuyait sur son bras vigoureux. « Agnès est folle, n'écoutez rien de ce qu'elle vous dira, souvenez-vous de cela. »« Dudley, que voulez-vous dire ?»« Juste ciel, que sais-je de ce qu'elle peut dire ? Croyez-vous que je n'ai pas remarqué sa prévention contre moi ?» pâle et avec une mise négligée, ses vêtements pleins de poussière et en désordre, a tendu son voyage précipité, ses longs cheveux noirs tombant sur son visage amaigri, Agnès rencontra la nonne dans le vestibule rempli de soleil. Elle ne parla ni à son père ni à Dudley, mais saisissant avec force le poignet délicat de la mariée, elle lui dit « Suis-je arrivé trop tard? Suis-je arrivé trop tard? Êtes-vous mariée ?»« Oui, » dit Dudley d'un ton ferme, en la regardant avec un air d'impatience. Elle sembla ni le voir ni l'entendre. « Jenny, » répéta-t-elle, « êtes-vous mariée ?»« Oui, » répondit la jeune fille, frappée de terreur. « Oh, faut-il que j'arrive trop tard, que je n'ai point été avertie de cela à temps? Mais venez, venez, Jenny, venez avec moi dans ma chambre. » « Jenny, Madame Carleone, je vous défends de la suivre !» s'écria le mari. « Vous lui défendez ?» répéta Agnès avec un rire rauque et discordant, tournant vers Dudley pour la première fois ses grands yeux brillants. « Dois-je lui dire ici, au pied de l'escalier, devant les domestiques, devant ces gens rassemblés devant la porte, devant mon père, devant vous, dois-je lui dire ici ce que j'ai à lui dire, Dudley ?» Il se détourna pour éviter ses regards hagards et brûlants, et prenant son père à part, il lui parla bas à l'oreille. « Venez, Jenny, venez !» Elle traîna plutôt qu'elle ne conduisait la malheureuse jeune fille dans sa chambre. Et, fermant la porte, elle tomba épuisée sur une chaise auprès du lit. Les fenêtres étaient ouvertes, les oiseaux chantaient bruyamment dans les chèvrefeuilles et dans les jasmins qui entouraient la maison. Les rayons du soleil éclairaient les pâles visages des deux jeunes filles. Jenny tomba à genoux, sanglotant et s'accrochant à la fille du recteur. « Oh, Agnès, ayez pitié de moi. Souvenez-vous que c'est le jour de mon mariage. » « Je ne puis avoir pitié de vous, Jenny. Je ne puis me souvenir de rien. Je vous dis que mon cœur n'est point assez grand pour contenir autre chose que de la haine contre lui. Agnès, si je broie votre cœur comme mon cœur a été broyé, si je flétris votre existence comme la mienne a été flétrie, quand bien même il vous serait aussi cher que défunt son frère m'était cher, je parlerai. Savez-vous ce que c'est que cet homme que vous avez juré d'aimer et de chérir, Agnès ?» Jenny Carleone, oh malheur qu'il me faille vous appeler de ce nom. Lorsque je reçus la lettre de mon père ce matin, m'apprenant votre projet de mariage, je crus que je deviendrais folle. Mais ne me jugez point d'après mes yeux hagards et mes manières excentriques. Écoutez-moi, malheureuse fille, je ne puis vous dire que ce que je sais. Je ne puis vous dire que ce que je crois si fermement. Que mes paroles dussent-elles même vous faire mourir à mes pieds, je vous le dirai. Plutôt que de vous voir franchir le seuil de la porte de la maison de cet homme. « Oh, Agnès, le jour de mon mariage, le jour de mon mariage !» Elle élevait les mains pour se garantir de ses cruelles paroles, comme si elle se fût mise en garde contre un coup. « Dudley a empoisonné son frère Martin !» Un long et douloureux gémissement s'échappa des lèvres blêmes de la mariée. Il tomba en convulsion au pied d'Agnès, les boucles brillantes de sa chevelure traînant à terre en masses entremêlées. « Je n'ai pas de preuves de cela, sans quoi j'aurais fait retentir ces preuves d'un bout à l'autre du pays. Je n'ai pas de preuves, mais j'en ai la conviction. » Jenny souleva son pâle visage et se traînant à genoux, elle regarda celle qui parlait. « Point de preuves ?»« Aucune, mais je le sais, je le sais. » J'étais à la ferme grise la nuit de la mort de Martine. J'ai vu cet homme avec un visage décomposé et la main tremblante s'occuper des fioles. C'est sa main qui lui présenta la potion qui devait le calmer, mais qui seulement accrut sa fièvre dévorante. C'est son ombre noire qui n'a jamais quitté son lit de douleur. Fidélité, dévouement, oui, la fidélité d'un meurtrier pour atteindre son but épouvantable, le dévouement du bourreau pour son innocente victime. Jeune fille, nos yeux ne se rencontrèrent qu'un instant dans cette nuit terrible, et dans ce seul coup d'œil, je vis et connus son crime, sa faute. Je le sais, et il sait bien aussi que je le sais. Agnès, Agnès. Martine mourut des suites d'un poison lent administré par son frère. Maintenant, retournez vers votre époux. J'ai fini, Madame Carleone. Oh, Agnès, combien vous êtes cruelle, sans cœur, sans pitié, sans sentiment chrétien. Et c'est sur un vague soupçon, sur une idée aussi peu fondée qu'elle est abominable, que vous voudriez flétrir un homme innocent. Je vous plains, Agnès, d'être victime d'une si terrible erreur. » Elle se releva, et se dirigeant vers la table de toilette, elle essuya les larmes qui l'aveuglaient et arrangea ses boucles de cheveux d'une main qui tremblait à peine. En s'occupant ainsi, elle interrogeait le reflet du visage bouleversé d'Agnès dans la glace placée devant elle. Elle commença à croire que Dudley avait raison et qu'en effet, le chagrin avait rendu folle la fille du recteur. Agnès s'assit sur le petit lit blanc, et avec des yeux égarés, elle suivit les mouvements rapides de Jenny devant la toilette. « Dieu nous vienne en aide à toutes les deux !» murmura-t-elle en joignant ses mains défaillantes. « Dieu nous vienne en aide et nous envoie sa lumière pour nous éclairer dans ce monde si sombre et si noir. Je serais morte si je n'avais point parlé. »